marche dans des villes où des âmes sans nom me fredonnent le tien. Des concerts en sourdine où je chante ton nom pour oublier le mien. Pour oublier un peu que toi tu n'es pas là quand l'hiver se fait rude. Que je n'ai plus que moi avec qui partager ma propre solitude. Je marche sous des cieux qui me rappellent un peu la couleur de ta flamme. Quand le rouge et le bleu donnent aux amoureux des beautés océanes. Moi je fuyais l'amour parce que j'avais trop peur, oui trop peur d'en mourir. Mais à trop fuir l'amour, c'est l'amour qui nous meurt avant que de nous fuir. Je suis perdu. Je suis perdu sur des chemins de pierre. Je marche nu. On s'est perdu. On s'est perdu. Et mon cœur en enfer, que de toi ne battra plus. Je me suis perdu quand je t'ai perdu. J'ai perdu ma lumière. J'ai perdu ta rentière. Je vivrai mille vies et dans mille pays, ça ne changerait rien. Car de mille pays, je reviendrai toujours m'éteindre entre tes mains. Si je m'y fais petit, allez, dis s'il te plaît que tu me reprendras. Juste pour une nuit que tu me reprendras, je t'en prie, dis-le-moi. Que l'amour n'est pas mort, car on ne peut mourir quand on est infini. Qu'il revivra encore cet amour qui est mort, qu'il reprendra la vie. Que la pluie dans mes yeux sera assez pour vaincre le désert dans les tiens. Que la pluie dans mes yeux sera assez pour faire naître les fleurs jardin. Je suis perdu. Je suis perdu sur des chemins de pierre. Je marche nu. Et mon cœur en enfer, que de toi ne battra plus. Je me suis perdu quand je t'ai perdu. J'ai perdu ta rentière. Je te tends sur le banc comme on attend la mort en espérant la vie. Je t'attends comme on attend voir pointer le jour quand il n'est que la nuit. Toi tu ne viendras pas car déjà trop de fois toi tu es revenu. Toi tu ne viendras plus car déjà trop de fois c'est d'autres qui sont venus. Il est tard et ça fait oui déjà quelques mois que tu t'en es allé. Des années ou des siècles, les secondes sans toi c'est toujours l'éternité. Toi tu dois faire du beau sur des chemins. Au moins je ne suis pas. Et moi je reste là à voir passer le monde qui se fout de tout ça. Et la nuit, moi j'ai peur, oui la nuit, moi j'ai peur d'en mourir. Et quand moi j'ai pas peur, c'est mon cœur qui a peur de te revoir partir. Moi j'ai froid dans la nuit quand toi tu n'es pas là. Dans la nuit, moi j'ai froid. Quand à côté de moi, c'est une ombre sans vie, c'est une autre que toi. Quand à côté de moi, c'est une ombre sans vie, c'est l'ombre de toi.